la danse, le chant nous aide, la musique. Continents. good vibes. Interstellar. Partage. C'est trop bon, putain. No price. No price. Unbelievable. Thank you very much. Oh, thank you. Thank you very much. Oh. I cry. Very rare sensation I feel when I sing with my friends in a cathedral. Restoring my rhythmatic system. My roots. Rhythmatic system. Rhythmatic system. you. Wow. You help me. You don't know how you help me. In this Kafkaian system, Kafka. Franz Kafka, je pense à toi. J'espère que ça parle. Au fond de mon cœur, je voudrais vous raconter des histoires, vous lire des poèmes d'Arthur Rimbaud. Mais ouais. Allez, amusons-nous, amusons-nous. Confiance entre les espaces, les temps, les continents. Alchimie. Du verbe. Le travail humain. C'est l'explosion qui éclaire mon abîme de temps en temps. Le travail humain. C'est l'explosion qui éclaire mon abîme de temps en temps. La poésie. La chanson. Ok. Allez, proposez. Thank you. Fondant, fondant. Tu... Ouf. Thank you very much. Allez, on s'amuse. We play. Do you want to play? Do you want to play with the other musicians? Yes. Catalan? Okay. Stella splendescit montes. Okay, I follow you, Catalo. You have some musician like that to able to listen. Médiéval. Allez, go ahead. Allez, on s'amuse. Go ahead, please. We will follow you. Kezia Jones. I'm not sure I can sing. Thank you. revoir, sister. I like to think that you know that. Whoa. Yeah, reggae. Du moment où il y a une demande, je suis gêné, décontenancé, ça me met. Moi ce que j'aime, c'est l'improvisation, les coquillages. Et tout se passe, je m'inspire. Le poète est passé pour moi. Les maîtres sont Rimbaud, Serge Ginsburg. De faire mieux, mais je sais que dans mon discours je dis que je passe de mettre passé, ouais, je sais, passable, of souls. Of course. Thank you. organisé. L'eau. Thank you. dire jamais avec les anges. Des veines, des veines, des veines. lights out, it's less dangerous. You begin now, and it's thank you. sens la perte de l'été. On a rangé les vacances dans les valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Je sais bien l'année prochaine, tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine. Quitter la mer, la maison. Viendront faire la fête aux crustacés, mais au premier jour d'été, ils ennuient oubliés. Tenir bon. Malgré le mistral, le vent de temps.